Je sais que t'aimerais me voir, mais bon, j'ai le moral à zéro. Je t'esquiverai ce week-end juste pour rester dans la zère. Faut comprendre qu'avec le banc du quartier, je suis zéro. Et que tu t'énerves quand tu dis que je prends mes airs. On est en froid, donc on se parle pas. J'irai me bourrer en secrète sans passer par le bar. Et tu me dis t'es où quand je traîne tard le soir. J'suis mon dernier pétard bloqué, j'ai pas le pas. Ne cherche pas, tu sais que j'suis dans la villa. Au pied d'une tour que j'pense à ma villa. Je resterai ghetto, c'est pour la vida. Ici on charbonne, on vit pas. Je sais que les jaloux nous analysent. Yeah, je fume la beuh qui paralyse. Je sais que les jaloux nous analysent. Yeah, je fume la beuh qui paralyse. Et puis je suis beaucoup trop terre-terre, je crois bien qu'on court à perte. J'ai connu la peur d'Azix, ça tombe les losses vers la porte. Faut comprendre que je fais pas la fête, je me calme juste à la verte. Tout sur moi calé, ma copine prend pas la tête. Y'a que quand on dort qu'on voit le temps passer vite. Et j'ai pas le batterie quand tu me dis tiens passe me voir. Je traîne avec des mecs qui ont rarement le casier vide. Genre de GRV, tant pis si tu veux pas me croire. Je serai rabat quand on se reverra. Encore une fois je te promets la French Rivera. Mais tu me dis je moi un jour ça cessera. Pour l'instant tu fais que dalle, faudrait que tu rêves moi. Ne cherche pas, tu sais que je suis dans la villa. Au pied d'une tour que je pense à ma villa. Je resterai ghetto, c'est pour la vida. Ici on charbonne, on vit pas. Je sais que les jaloux nous analysent. Je fume la beuh qui paralyse. Je sais que les jaloux nous analysent. Yeah, je fume la beuh qui paralyse. Je laisse tout jeter dehors. Sous chic, le soleil couché. Je laisse tout jeter dehors. Je sais que les jaloux nous analysent. Yeah, je fume la beuh qui paralyse. Je sais que les jaloux nous analysent. Yeah, je fume la beuh qui paralyse. Je laisse tout jeter. Sous chic, le soleil couché.